franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire, aujourd'hui, on veut tuer le roi. Un thriller politique qui va nous transporter au XVIIe siècle. L'histoire d'une femme, Jacqueline d'Escommans, qui fit tout pour empêcher l'assassinat d'Henri IV. Ayant appris par hasard l'existence d'un complot contre le roi, cette femme courageuse va frapper à toutes les portes, tenter d'alerter les grands du royaume de l'imminence du régicide. Mais tous ses efforts seront vains, puisque, comme vous le savez, Henri IV mourra sous les coups d'un certain François Ravaillac. La scène, racontée dans nos livres d'histoire et reproduite des dizaines de fois à l'écran, fait partie presque de notre imaginaire national. Le 14 mai 1610, vers 16h, un carrosse s'engage dans la rue de la Ferronnerie, une ruelle étroite au cœur de Paris. À bord, le roi Henri IV, accompagné de seigneurs de la cour. Soudain, le temps d'un éclair, un homme surgit, roux, immense, vêtu de vert, véritable apparition diabolique. Il s'agrippe à la portière du carrosse et de son couteau, poignarde mortellement le roi. Si la culpabilité de Ravaillac, arrêté l'arme à la main, ne fait aucun doute, depuis 400 ans, le mystère reste entier. Ravaillac, fanatique catholique, a-t-il agi seul? Ou n'était-il que le bras armé d'un complot politique? Et pourquoi personne n'a-t-il écouté Jacqueline d'Escommans, cette femme qui criait « On veut tuer le roi ». Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. François Pernaud, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes historien, professeur à l'université de Cergy-Pontoise et l'auteur d'un livre « Qui a vraiment tué Henri IV ?» qui est paru en 2010 chez Larousse, une véritable enquête policière. Vous n'êtes pas le premier historien à vous passionner pour cette affaire, à vouloir percer le mystère de la mort d'Henri IV. D'où vient cette fascination pour cet événement survenu quand même il y a plus de 400 ans ? Bien, l'assassinat d'un roi, ce n'est pas un événement anodin. D'abord, il s'agit d'un chef d'État, c'est pas rien. Et effectivement, chaque fois qu'un chef d'État est assassiné, on se pose des questions. Évidemment, l'événement le plus célèbre, c'est sans doute l'assassinat de Kennedy. Aujourd'hui, oui. Mais pendant quatre siècles... Et resté mystérieux aussi, dans des circonstances assez mystérieuses. Resté très mystérieux et avec d'ailleurs, et c'est assez troublant, beaucoup de points en commun entre les deux assassinats, celui d'Henri IV et celui de Kennedy. Mais pendant quatre siècles et encore aujourd'hui, vous l'avez dit, l'assassinat d'Henri IV et qui a vraiment tué Henri IV, ça reste un mystère. Alors un mystère, pas tout à fait, parce que qui a vraiment tué Henri IV, effectivement, c'est Ravaillac. Ça, là-dessus, ouais, tout le monde est d'accord. Mais, et vous l'avez parfaitement exposé, est-ce qu'il a agi seul ? Est-ce que c'est un fanatique, un illuminé solitaire, ou est-ce que effectivement c'est le pion d'un complot ? Ça, c'est la grande question. Et c'est une question qui passionne les historiens depuis quatre siècles et qui n'a jamais été résolue. Alors à l'époque, la mort d'Henri IV avait quand même déjà beaucoup impressionné, ému le peuple du royaume. Hein. Henri IV, on l'appelait le bon roi Henri. Pour bien comprendre toute cette affaire, j'aimerais bien, François Pernaud, que vous nous rappeliez le contexte, le règne d'Henri IV, ce début du XVIIe siècle. C'est une période de relative paix, de prospérité pour le royaume de France ? Alors effectivement, 1610, on est au début du XVIIe siècle. On vient de terminer en France un siècle qui a été un siècle de guerre avec, pour la seconde partie du XVIe siècle, les fameuses guerres de religion. Et d'une certaine manière, c'est Henri IV qui a mis fin, en tout cas officiellement, à ces guerres de religion, avec la signature en 1598 du fameux Édit de Nantes, qui établit une sorte de paix, mais plutôt une situation, disons, de consensus entre protestants et catholiques en France. Oui, parce qu'Henri IV, à l'origine, était protestant, mais il s'est converti au catholicisme pour devenir roi de France. Ah, c'est compliqué. Henri IV, il était protestant au départ, mais il a abjuré et s'est converti à trois reprises. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs allers-retours entre le catholicisme et le protestantisme. schisme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en 1610, on en veut à Henri IV ? On en veut encore à Henri IV. D'abord, pour les protestants, effectivement, il a renié sa foi initiale pour passer au catholicisme. Donc, il y a des protestants qui restent encore très fâchés contre Henri IV. Et puis, du côté des catholiques, il y en a beaucoup qui pensent que la dernière conversion d'Henri IV n'est que de façade et que dans son cœur, il reste quand même un protestant. Autrement dit, on est dans un contexte très particulier en 1610. Du point de vue religieux, la France est dans une sorte de, non pas de paix tranquille, mais d'une certaine manière, les dissensions couvent toujours. Il y a toujours un ressentiment de part et d'autre, aussi bien du côté des ultra-catholiques, des héritiers de ce mouvement de la fin du XVIe siècle qui s'appelait la Ligue, qui est un mouvement ultra-catholique, et puis ressentiment aussi du côté des protestants. Oui, les fanatiques de tous bords n'aiment pas les personnes qui cherchent le consensus. Voilà, là, on parlait de Kennedy, on peut aussi parler de Yitzhak Rabin, qui a cherché la paix. Absolument, tout à fait. Qui a été tué par un fanatique. Absolument. Et là, ce contexte religieux, en 1610, assez particulier, se double également d'un contexte politique et diplomatique très tendu. Pourquoi ? Parce qu'on l'oublie trop souvent. C'est vrai que l'assassinat d'Henri IV a éclipsé tout, finalement, tout le contexte politique, diplomatique de l'époque. Et normalement, Henri IV aurait dû rejoindre son armée pour partir en guerre la semaine qui a suivi, pour le coup, son assassinat, si je puis dire. C'est une guerre qu'il veut lui, mais que d'autres ne veulent pas. C'est une guerre qu'il veut lui, mais que d'autres ne veulent pas. C'est une guerre qui est destinée à voler au secours de deux petits duchés d'Allemagne moyenne qui sont menacés par les armées de l'empereur très catholique. Donc, on est dans un contexte où le roi de France, très chrétien, doit partir en guerre pour défendre des duchés protestants contre des troupes catholique. Ouais, vous imaginez que le contexte vu, mais... diplomatique redouble en quelque sorte le contexte religieux. François Pernaud, dans une trentaine de minutes, vous nous direz peut-être qui a vraiment tué Henri IV. Mais tout de suite, l'histoire de Jacqueline d'Escoman, cette femme qui va tenter d'avertir l'entourage du roi Henri IV qu'un complot se prépare contre lui, mais qui, tel un fétu de paille, sera emportée dans un système qui la dépasse. On veut tuer le roi, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. La réalisation est de Michel Sidoroff. Seigneur Dieu, donnez-moi la force d'accomplir la mission dont vous m'avez chargé. Je ne suis pas comme Jeanne la Pucelle. Ce ne sont pas des voix célestes qui m'ont ordonné d'agir. À moi. C'est par des voix humaines que vous m'avez parlé, Seigneur, pour répondre aux cris de haine. Il faut le tuer, égorger cet impie. Il faut saigner ce huguenot. La Pucelle devait sauver la France. Moi, c'est la vie de mon roi que je dois protéger. Il me faut au plus vite dévoiler ce secret qui me fait tourner les sangs. Il en va d'une vie. Et quelle vie ! Monsieur le Chambellan, êtes-vous sûr de votre chemin ? C'est le plus court pour relier les Tuileries au Louvre où sont les appartements de la reine. Ne trouvez-vous point cela magnifique ? C'est le roi lui-même qui a voulu cette grande galerie. Cette vue sur les jardins, puis la Seine au-delà, une promenade tout en arche, sur plus de... Oui, oui, fort beau. Mais ne vous ai-je pas dit que je suis extrêmement pressée de voir la reine ? Mais ventre cinglé, vous me pousseriez presque, hein ? Y sommes-nous enfin ? Paris, le 5 mai 1610. Cette femme qui, au petit matin, erre dans les couloirs du palais du Louvre, s'appelle Jacqueline d'Escoman. Elle veut à tout prix obtenir une audience de la reine Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV. Issue de la petite noblesse, Jacqueline d'Escoman avait épousé un simple soldat de la garde, un homme violent et aviné dont elle s'est ensuite séparée. Petite, un peu boiteuse et bossue, Jacqueline d'Escoman, qui est encore une jeune femme, a pour elle un beau visage et une volonté tenace de vivre auprès des grands, même si sa place reste subalterne. Oui, voyez cette porte. Elle donne sur la première pièce des appartements de la reine. C'est la salle de garde. Ne vont-ils pas discutailler pour me laisser passer ? Je vais aller directement dans le vestibule de la reine pour lui demander si elle peut vous donner audience. Rappelez-moi votre patronyme et vos fonctions. Je suis Jacqueline d'Escoman. Dame de compagnie de Madame Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil. Aïe ! Pourquoi vous arrêtez-vous de la sorte ? J'ai failli culbuter. Vous ne me l'aviez point dit. Quoi donc ? Que vous étiez l'employée de Madame d'Entragues. Eh bien, quoi ? Ne savez-vous pas que la marquise et le roi... Oh, c'est de l'histoire ancienne. À présent, la reine et ma maîtresse se connaissent et s'apprécient. Croyez-vous que je dérangerai son Altesse pour un motif frivole? Je vais voir. Restez ici. Dépêchez-vous! Pour l'amour de Dieu! Que vient-il me servir cette vieille histoire? Des maîtresses. Le roi en a tant eu depuis que la marquise pourrait passer pour une amie d'enfance. Bon, il est vrai que c'est une amie qui lui a fait un fils. Mon Dieu, comment vais-je présenter la chose à la reine? Il y a tant de haine dans les yeux de cet homme, tant de violence dans ses mots, et son bras qui ne cesse de marteler le mouvement du poignard qui s'élève. Épousée par Henri IV en raison de ses origines royales et surtout de la grosse dot qu'elle apportait, Marie de Médicis a rapidement rempli sa mission. Après à peine un an de mariage, en 1601, elle a donné l'héritier que le royaume attendait. C'est une femme dévote, très dépendante de son entourage et extrêmement jalouse de son mari volage. Fréquemment, l'écho des disputes royales résonne dans toutes les Tuileries. Mais dans quelques jours, le 13 mai 1610, Marie de Médicis va enfin obtenir la réalisation de son plus cher désir, être sacrée reine de France à l'abbaye de Saint-Denis. Jacqueline estime que la reine est la personne la plus adéquate pour entendre sa mise en garde. Elle est prête à tout pour la rencontrer, même à mentir, comme lorsqu'elle se prétend dame de compagnie d'Henriette d'Entragues, la maîtresse déchue d'Henri IV. Elle n'est en réalité plus à son service. Mais pour Jacqueline, au regard de sa mission, ce n'est là qu'un pieux mensonge. Alors, me recevra-t-elle sur le champ? Sa Majesté souhaite connaître la teneur de votre révélation. Je ne puis le dire qu'à elle. En ce cas, point d'entrevue. Sortons d'ici. Non! Alors, la raison de votre venue? La vie du roi est en danger. Cela n'est point nouveau. La reine est lasse de ces histoires d'empoisonnement, de traquenards et autres méchancetés que l'on fomenterait contre son époux. Mais je connais l'homme qui veut agir. Il m'a dit lui-même son intention de passer le roi à trépas. Je retourne auprès de la reine et je ne vous promets rien. Essayez. Essayez! Pour l'amour du roi! J'ai encore les sangs tout glacés de ces mots de haine qu'il vociférait sous mon toit. Qu'ai-je accepté de loger et de nourrir ce satané chasseur de procès? Il aurait mieux valu qu'il demeurât en sa province d'Angoulême. Contre toutes mes bontés, ce Ravaillac ne me vaudra que du mauvais. Est-ce bon? Puis-je entrer? Non. La reine vous demande de vous présenter à nouveau ici même dans 3 jours. 3 jours? Oui. D'ici là, la chose sera faite. C'est ainsi. Nous retournons. Qui plus est, dans 3 jours, elle ne sera pas ici. Toutes les dames de la cour seront à Saint-Denis pour son sacre. 3 jours. C'est pure folie, c'est aveuglement. Je sais que cet homme va tuer le roi. C'est le diable. En me renvoyant, vous tuez le roi. Depuis la proclamation en 1598 de l'édit de Nantes, qui permet aux protestants de vivre librement leur religion, le roi Henri IV a réussi à imposer la paix dans tout le royaume. La France est devenue la première puissance d'Europe, et Sully, le surintendant des finances, a permis un redressement économique spectaculaire. Le roi pourrait profiter pleinement de cet état de grâce, pourtant, en ce mois de mai 1610, tout bascule. Sa popularité est entamée par le mécontentement dû à l'augmentation sans fin des impôts et par son désir de partir en guerre au risque d'entraîner toute l'Europe à sa suite. Le motif de ce conflit peut paraître futile, la succession de duchés allemands de taille insignifiante. Mais ceci joue un rôle crucial dans l'équilibre politique et religieux de l'Europe. Le roi de France prend parti pour un prince protestant, tandis que le roi très catholique d'Espagne considère qu'ils doivent lui revenir. Le bruit court qu'en réalité, la motivation du roi serait de retrouver une jeune femme dont il est fou amoureux et que l'époux jaloux a placée sous la protection de l'Espagne. Tout cela pourrait être remis en cause, car quelques jours auparavant, Jacqueline d'Escaumont a reçu une terrible révélation de la part d'un homme, un certain François Ravaillac. Mais Merci Ravaillac d'être venu m'aider à déménager. Demain, ils écrouleront cette maison. On n'est plus au Moyen-Âge, qu'ils m'ont dit. Fini les ruelles qui tournent et retournent. Que des rues droites à présent. Ça va, ce n'est pas trop lourd? Non. De toute façon, je vous dois bien ce service en échange des repas que vous m'offrez quand je suis à Paris. Oh. Allons-y. Oh, je sais, ce buffet pèse un âne de mort. Jacqueline, vous qui êtes bonne chrétienne et avez la tête bien faite, je peux vous poser une question? De quoi s'agit-il, Ravaillac? Monte doucement, on va finir par basculer. Une question qui me perce le cœur et me le fait saigner comme notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. N'avez-vous point trouvé de réponse dans la Sainte Bible que vous lisez toute la journée? Je lis un verset, j'ai ma réponse. J'en lis un autre, j'ai une autre réponse. Chaque fois que François Ravaillac quitte Angoulême et vient à Paris, il se rend dans la très modeste maison de Jacqueline. Jusqu'à présent, par charité chrétienne, elle a su passer outre son physique qu'elle juge satanique. Sa grande stature, son regard trop clair et fuyant, ses cheveux en désordre et sa barbe folle d'un roux si sombre qu'ils en paraissent noirs. Voulez-vous me dire cette question? Je me demande si... Oui, eh bien dites. Est-ce péché que de tuer un ennemi du pape? Oui, tuer est un péché majeur. Et si cette personne veut du mal aux représentants de Dieu sur terre? La parole de Dieu est amour. Mais quand on la dévoie, quand on la rend risible, quand on l'adopte pour mieux la trahir, cela ne mérite-t-il pas la mort? Non, il est écrit « Tu ne tueras point ». Même s'il prend le parti des Huguenots du Nord contre l'Espagne très catholique? Mais de qui parlez-vous donc, Ravaillac? De la bête immonde qui a pris le masque du converti, de ce Huguenot qui n'a renié sa religion satanique que pour obtenir le pouvoir. Notre roi? Il se moque des catholiques! Bien sûr que non! Il a épousé la très chrétienne Marie de Médicis. Le dauphin est élevé dans la religion de notre Seigneur. Oh, attention, votre tête! Dans ces petites bicoques, les linteaux sont si bas et vous, si grand. C'est un hérétique. Je lui ferai tomber le masque. Ravaillac, vous ne voulez tout de même pas attenter à la vie du roi? Il faudra bien que quelqu'un se dévoue. Le peuple réclame la mort du tyran. Qui vous a mis dans la tête pareille sornette? On me l'a dit. On m'a donné des preuves de son hérésie. Tenez, savez-vous ce que l'on m'a raconté? Non. Mais Ravaillac, il ne faut pas écouter les discours de haine. L'édit de Nantes interdit aux protestants de célébrer leur culte maudit à moins de 5 lieues de Paris. Oui, et donc? Eh bien, après avoir autorisé un temple à moins de 4 lieues, voilà que le mécréant accepte les célébrations démoniaques à Charenton, là, sous nos fenêtres. Et que dit-il pour se justifier? Je ne sais, mais ne criez point si fort. Les gens pourraient que nous entendre. Que par décret royal, désormais Charenton se trouve situé à 5 lieues de Paris, alors que cette ville est aux portes de la capitale. Sacrilège! C'est un impie, un ennemi de Dieu, un blasphémateur. J'ai lu un texte qui autorise de tuer les tyrans. Ils méritent la mort. La mort! Comme Jacqueline s'y attendait, au 3e jour, elle est renvoyée des Tuileries. La reine n'est plus à Paris. Vers qui se tourner? Qui est suffisamment proche du roi? Jacqueline pense alors aux jésuites, bien que le livre qui pousse Ravaillac au crime soit l'œuvre d'un jésuite espagnol. On peut y lire: s'ils se rendent intolérables par leurs vices et leurs délits, les rois sont sujets à être assassinés, non seulement de bon droit, mais avec les applaudissements et la gloire des générations à venir. Jacqueline se rend donc à la maison professe des jésuites à Paris, dans le quartier du Marais. On accepte de la recevoir dans le petit jardin de cet ancien hôtel particulier. Je viens directement du Louvre où je devais voir la reine, mais l'on vient de m'informer qu'elle n'est plus à Paris, alors j'ai pensé à vous. À moi? N'êtes-vous point le confesseur du roi? Non. Le père Coton est auprès du roi à Fontainebleau. Je suis le père supérieur de l'ordre des jésuites. Mais c'est que j'aurais voulu parler au confesseur du roi. Confiez-vous à moi, je lui transmettrai. La vie du roi est en grand danger. Le roi a toujours su faire face à ce genre de menaces. Avez-vous quelques preuves? Un homme m'a informé de sa volonté de tuer le roi. Parole d'ivrogne. J'ai le nom de cet homme, son adresse. Il faut l'arrêter. Vous vous êtes présenté comme appartenant à la maison de Madame d'Entragues. Oui. Connaît-elle cet homme? En cette heure, mon propos n'est pas de dire d'où ni comment je connais cet homme, mais de dénoncer ce Ravaillac et de sauver la vie du roi. Madame d'Entragues a déjà comploté contre le roi. Son père, son frère et elle-même ont été condamnés à mort. Dans son extrême bonté, le roi a permis que la peine capitale fût commuée en détention perpétuelle. Ma maîtresse a su retrouver les bonnes grâces du roi. Brisons-la. Revenons à Ravaillac. A-t-il une profession? Lorsqu'il est à Paris, il se dit solliciteur dans les affaires de Monsieur d'Épernon. Voici que vous y mêlez à présent un homme que le roi honore de sa confiance. Non point. Je veux seulement que vous fassiez arrêter le diable en personne. Je ferai ce que Dieu me conseillera. Vous pouvez vous en retourner. Ce ne sont là que paroles. Allez, vous dis-je. Je vous préviens. Je considère que j'ai rempli ma mission. Je suis désormais déchargée de mon secret. Ayez la certitude que tout ce que je vous ai dit est pure vérité. Si vous manquez d'avertir le roi, je vous accuserai. Je ne suis pas folle. Ce n'est pas à vous de vous mêler de telles affaires. C'est Dieu qui m'envoie. Vous devez agir vistement. Allez, l'âme tranquille. Je vais me mettre à voix pour aller trouver le confesseur du roi à Fontainebleau. Je ferai ce que Dieu me conseillera. Vous aurez alors de mes nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles. Voilà donc à quoi ressemblent ces nouvelles. Une nuit passée et il me fait arrêter et envoyer ici à la conciergerie. Me voilà en prison sur l'île de la Cité. Ah, vraiment. Beau remerciement. Saleté de jésuite. Suppôt de Satan. Je dois être au secret puisque personne ne se soucie de moi. Il pourrait au moins me dire de quoi l'on m'accuse. Si vouloir sauver le roi est un crime, alors qu'on m'écartèle. Ce crétin de capitaine qui est venu m'arrêter chez moi a parlé d'abandon d'enfant. Où sont-ils allés chercher que j'avais abandonné ma fille? Elle est en nourrice, la petite. C'est me faire mauvais procès que de m'accuser pareillement. Hola! Il y a quelqu'un! Eh oh, la garde! Il en va de la vie du roi! Il y a 4 ans, quand la marquise m'a demandé d'accueillir ce Ravaillac, j'aurais dû refuser. Ne pas prendre en charge ce chat galeux qui, chaque fois qu'il revient à Paris, accourt chez moi. Tu penses, logé et nourri pour rien. J'aurais dû me méfier de son air sournois et cette façon de baragouiner des menaces dans sa barbe. Mais voilà, il faisait toujours la chatte-mite. Et moi, bonne fille, je... Quel est ce tapage? Allons, dites-moi, que se passe-t-il? Qui fait tant de bousins? Pourquoi ce fracas? Dites-moi! Dites! Le roi est mort! On l'a saigné! Le 14 mai 1610, après beaucoup d'hésitations, Henri IV, tourmenté par une sombre prémonition, quitte le palais du Louvre pour se rendre auprès de Sully, son surintendant. Dans le carrosse, ont pris place plusieurs gentilshommes, dont le duc d'Épernon, fervent catholique, dont Henri IV se méfie, car il le trouve trop puissant et trop proche du roi d'Espagne. Il fait chaud. Les mantelets de cuir ont été relevés, laissant le roi à portée de vue. La voiture entre dans l'étroite rue de la Ferronnerie, située aujourd'hui au cœur du quartier des Halles. Épernon, regardez donc pourquoi on s'arrête de la sorte. Oui, sire. Un accrochage entre deux carrioles, sire. La garde est partie en avant dégager la voie. Nous repartons, mais cela va tanguer. Il faut que nous nous rapprochions des boutiques pour passer. Le carrosse avance très lentement. Un homme, en pourpoint vert, en profite. Il bondit, pose un pied sur une borne, l'autre sur la roue, lève haut le couteau qu'il dissimulait dans sa manche et frappe le roi. Meurs, tyran, pour la gloire de Dieu! Oh. Qu'y a-t-il, sire? Oh. Je suis blessé. Ce n'est rien. Oh. La lame s'abat à nouveau, tranche l'aorte, un flot de sang s'écoule de la bouche du roi. Sire, souvenez-vous de Dieu. Henri IV est mort. Ravaillac ne cherche pas à fuir. Des passants s'emparent de lui, prêts à venger le roi. Ne le tuez pas, il y va de votre tête. Les soldats du guet qui ont accouru entraînent l'assassin pour le mettre à l'abri. Dès le lendemain, le duc d'Épernon devient l'homme fort de la situation, permettant la nomination rapide de Marie de Médicis à la régence et occupant dès lors une place de choix auprès d'elle. Le procès de Ravaillac est mené de façon sommaire, sans que l'on cherche vraiment d'éventuels complices, pour ne pas prendre le risque sans doute de mettre en cause des personnes importantes. Ravaillac est exécuté le 27 mai 1610 sur la place de Grève. Quelques mois plus tard, à peine libérée, Jacqueline d'Escaumans entre en contact avec Marguerite de Valois, la première femme d'Henri IV. Si elle n'a pu empêcher le régicide, elle souhaite que ceux qui ont commandité cette mort ne s'en sortent pas indemnes. Elle doit encore parler. Madame de Valois, permettez-moi de vous le dire, voilà un procédé fort peu glorieux. Me demander de me cacher derrière une tenture. Moi, duc d'Épernon, gouverneur de... Je sais, d'Épernon. Mais apprenez qu'après avoir été apostrophé par cette d'Escaumans pendant mes dévotions, j'ai couru rapporter ces paroles à la reine. C'est elle qui m'a prié de vous inviter à ouïr son étrange commérage. Soit, je me prête à cette mascarade. Je me tiendrai ici, derrière cette tapisserie. Surtout ne réagissez pas. Ne vous montrez pas. Qu'elle aille au bout de son discours. J'essaierai. Très bien. Faites entrer Mademoiselle d'Escaumans. Jacqueline pénètre dans le grand salon du somptueux hôtel qu'a fait bâtir Marguerite de Valois sur la rive gauche de la Seine. Approchez. Celle qui fut la ténébreuse reine Margot joue à présent un rôle important dans la vie intellectuelle de la cour et a su se ménager de bons rapports avec la régente. Madame. Je vous ai fait venir pour que vous me confiiez de façon toute pareille ce que vous m'avez dit hier à l'église. Je veux témoigner que Ravaillac n'a pas agi seul. Ce que vous dites est pure fantaisie. Le procès l'a démontré. C'était un illuminé, un déséquilibré. Lui-même l'a redit sous la torture. Il a agi seul. Et quand il a dit « On m'a bien abusé quand on m'a voulu persuader que le coup que je ferais serait bien reçu. » De qui parlait-il ? De ses prêches odieux contre le roi. Non, madame. Moi, je sais de qui il parlait. Ce sont des personnes de chair et de sang. Veuillez préciser vos accusations. Lorsque j'étais au service de Madame d'Entragues, j'ai entendu une discussion qu'elle tenait où il était question de tuer le roi afin de permettre au fils qu'elle a eu avec lui d'accéder au trône. Allô, ma fille, cette intrigante a déjà tenté cette affaire il y a longtemps et a été envoyée en exil. Croyez-vous qu'elle fut calmée à son retour ? Rappelez-vous que le roi lui avait promis le mariage par écrit contre son pucelage. Ce sont là des sacrifices que les femmes n'oublient pas. Étant sa dame de compagnie préférée, j'étais très proche d'elle. Et un jour que nous étions à l'église, elle fut rejointe par un homme que je connaissais pour l'avoir déjà vu dans sa demeure. Ils se placèrent de telle façon que moi seule pouvais les entendre. Et ce qu'ils se dirent me laissa fort mari. De quoi discourait-il ? Ils parlaient de tuer le roi et négociaient ce que cette mort leur rapporterait. Mais quand était-ce ? À la Noël de l'an 1606. Cela remonte à plus de 4 années. Ils auront sans doute renoncé à leur projet. Que nenni ! Quelque temps après, alors que je me trouvais ici à Paris, Madame d'Entragues fit conduire par l'un de ses valets un homme en mon logis afin que j'en prenne soin. Et cet homme, qui était-ce? Ravaillac, celui qui a tué notre roi. Mais que diable venait-il faire là? Il était à Paris pour solliciter en justice des affaires qu'avait cet homme, qui s'était entretenu avec Madame d'Entragues dans l'église. Et hier, vous m'avez dit que cet homme était... Le gouverneur d'Angoulême. Le duc d'Épernon. Il suffit. Je n'en puis plus. Cette femme est folle. Épernon, vous... Mais madame, qu'est-ce? Je peux prouver que cette sorcière ment. Est-ce comment? Vous dites avoir connu Ravaillac? Je me suis renseigné. Vous n'avez pas pu le voir place de Grève. Vous étiez en prison pour adultère et prostitution à ce moment-là. Mensonge! J'ai été arrêtée parce que je voulais... Taisez-vous! Si vous connaissez Ravaillac, désignez-nous un homme parmi les gens de madame de Valois qui lui ressemble. Mais Allons. Puisqu'il vous était si familier, montrez-nous quel genre d'homme c'était. Il n'y a pas ici d'homme qui... Il y en a bien suffisamment. Je ne sais pas... Disons... Celui-là? Ce petit homme brun à la peau mate, là? Un peu, oui, mais... Pas vraiment. Ah! Vous êtes confondu. Vous n'avez jamais rencontré Ravaillac. Il était trois fois plus grand que celui-là et roux. Rien de semblable. Mais Suffit. Cette mascarade a assez duré. Qu'on la fasse conduire à la conciergerie. J'ai dit la vérité. Madame, croyez-moi. Au tribunal de Paris, Jacqueline comparaît devant ses juges. Demoiselle d'Escomment, n'ayez pas peur. Approchez. Le procureur général a requis contre vous la peine de mort, considérant que vous êtes coupable de sorcellerie, fabrication de fausses monnaies et autres crimes. Je suis le président de Harley, la plus haute autorité judiciaire, et je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. J'ai décidé de reprendre cette affaire afin de découvrir la vérité. Merci, monsieur le président. Ne me remerciez pas, car votre dossier n'est point aisé. Il se trouve fort dépourvu de preuves écrites ou de témoins. Il y a cette lettre que m'avait envoyée madame d'Entragues pour me demander de m'occuper de Ravaillac. Lettre que vous n'avez su fournir. C'était il y a 4 ans. J'avais alors bien du malheur avec mon mari et cette lettre, je l'avais confiée à une amie. Dont on n'a pas retrouvé trace. Vous savez, les gens vont et viennent. Allez savoir où elle vit maintenant. Pourquoi dévoiler si tard cette discussion surprise entre madame d'Entragues et le duc d'Épernon? Pour décharger ma conscience. Et parce que je craignais pour la vie du jeune roi. Avez-vous eu connaissance d'autres personnes présentes à Paris en mai 1610 qui auraient parlé d'attenter à la vie du roi? On nous a signalé un groupe de 8 hommes armés qui se tenaient plus loin sur le chemin que devait emprunter le roi. Non. Ravaillac seulement. La dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a demandé d'oublier ce qu'il m'avait dit au sujet de l'assassinat du roi. Il disait s'être repenti, mais ses yeux disaient le contraire de sa bouche. C'est-à-dire ? Il avait la même haine. Il ne disait point le roi, mais le tyran. Il semblait attendre un signe, un... Comment dire ? Un ordre, pour commettre son forfait. Un ordre de qui? Allez savoir, lui vous aurait répondu de Dieu. Mais Dieu n'était-il pas partout, dans les prêches, dans la parole des jésuites? Personne à la maison mère des jésuites ne se souvient de vous, ni de votre dénonciation de Ravaillac. Moi je me plie au 8e commandement. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. Il devrait en faire tout autant. Vous parlez de bon sens, sans variation dans vos propos. Mais il me faut une preuve concrète, une seule. Est-ce que je parle à la volée sans preuve de ce que je dis? Il n'y a que trop de preuves. Cette entrevue dans l'église, les lettres qui partaient du château de madame d'Entragues vers l'Espagne, la présence de Ravaillac à 3 reprises au moins à Paris. Le fait que le duc d'Épernon est gouverneur d'Angoulême et donc connaissait le régicide. Plût à Dieu que nous n'en vissions pas autant, mais une seule concrète, une seule qui puisse porter poids à tout cela. Je ne sais que vous dire. Je n'ai que ma parole à vous offrir. Mais si vous interrogez les autres, peut-être aurez-vous vos preuves. Le président Harlay est un homme intègre qui défend l'idée d'une justice indépendante du pouvoir. Lorsque la régente, par exemple, demande à connaître la teneur des interrogatoires, il lui répond de façon sibylline « Dieu m'a réservé de vivre en ce siècle pour entendre des choses si merveilleuses, si grandes et étranges que je n'eusse jamais cru pouvoir ouïr de mon vivant. » C'est ensuite au tour du duc d'Épernon de se présenter devant le tribunal. Monsieur le duc d'Épernon, il y a 50 ans que je suis juge, je n'ai jamais vu un seigneur, de quelque qualité qu'il fût, se présenter tout botté et éperonné, l'épée au côté devant moi. Cette épée, monsieur le président Harlay, a servi le royaume de France. Je n'ai point à m'en défaire. Vous n'avez pas d'ennemis ici. On ne le dirait point. Je ne suis ici que parce que la reine m'a prié de venir faire cesser au plus vite la comédie que vous nous jouez. Je ne joue point, je donne la justice. Drôle de justice qui prête l'oreille au dire d'une folle, d'une putain. Châtiez votre langage. Un homme de ma condition ne se châtie point. Alors, quid de cette affaire? La mascarade va-t-elle enfin prendre fin? Je n'ai rien à vous dire, je suis votre juge. Allons, calmez-vous. Pareil emportement est mauvais pour votre très grand âge. Moi qui venais en ami. Je n'ai pas d'amis. Je vous ferai justice, contentez-vous de cela. Alors envoyez la descommand à la question. Qu'on lui brise les pieds, qu'on lui applique les tenailles, le plomb fondu, le soufre. Nous verrons bien alors le tour que prendra sa chanson. Avez-vous fini? Allez-vous enfin me laisser œuvrer? Allez-y, je vous en prie. Mais ne vous inquiétez pas, je n'en resterai pas là. Est-ce une menace? Non. La simple remarque d'un homme face à une grande injustice. Et je vous somme de ne plus prononcer mon nom devant ce tribunal. Mars 1611, moins d'un an après le régicide. L'émotion est encore vive dans tout le pays et le roi, que l'on commençait à détester, se mue peu à peu en bon roi Henri. Qui remarque alors que la reine met à la retraite le président de Harlay pour qu'il soit remplacé par un proche du duc d'Épernon. La reine écrit au duc d'Épernon « La femme que vous savez continue en ses sottises, mais bientôt on n'en parlera plus pour ce qu'elle sera exécutée. » Voilà comme on est remercié. Ai-je fabulé? Est-ce que je suis dérangée? Vraiment folle? Ces propos, je les ai pourtant bien entendus. Ravaillac, je l'ai connu. Je doute de tout. D'eux, de moi. Ils ont tous été disculpés, d'Entragues, d'Épernon. Et moi, la Descommand, la moins que rien. Celle qu'on a accusée d'avoir abandonné sa fille sur les marches de Notre-Dame, d'avoir survécu grâce à ses charmes. Femme battue, sans fortune. Moi, j'ai été condamnée à finir mes jours enfermée dans cette pièce, sans autre ouverture qu'une petite grille, pour crime de lèse-majesté. Tout ça parce que je n'avais pas de preuves. Les juges n'ont rien dit de mes accusations. Pourtant, je suis certaine qu'ils savent que tout était vrai. Viens voir près de cette grille. Je ne mettrai pas mon nez plus en avant. Ça pue la merde et la mort là-dedans. Qu'est-ce que tu me veux? C'est bien toi, la Descommand? Qui es-tu? Pas besoin de nom. Tout le monde peut entrer comme il veut dans la cour de ce couvent des filles repenties. Pourquoi tu es venu? Pour mettre mon chapeau bas à celle qui s'est attaquée au grand. La belle affaire. J'ai été qu'une sotte, qu'une ballotte. Comment j'ai pu croire qu'ils ne se soutiendraient pas entre eux? Assassins et victimes, main dans la main, pour se protéger eux et leur pouvoir. Folle! J'aurais dû me taire. T'aurais dû te taire parce que t'avais faux. Quoi donc? Ravaillac, il a agi seul. Des gars comme ça, un peu dérangés, faiblards, il suffit de prêcher la haine et il s'emballe au galop à la première piqûre de temps. Ton gars, le Ravaillac, ça a été de lui dire que le tyran partait en guerre contre le pape. C'était un fou, un incontrôlable. Justement, c'est pour ça qu'il l'avait choisi. Il le tenait et ils l'ont lâché au bon moment. Non, non, t'as tort. C'est ça que je suis venu te dire. T'as raison pour le moment. C'est juste là qu'il devait mourir, le tyran. Le lendemain du sacre de la reine et avant de partir en guerre. Comment tu sais ça? J'étais là. Où ça? Dans la ruelle où le tyran a été saigné. J'étais avec 7 autres gars. On avait été engagés pour le tuer, mais on a été devancés par l'ange de Dieu. Qui vous avez engagé? Ça, ma belle, tu vas avoir le temps d'y réfléchir entre tes 4 murs. Il y avait tant de monde qui voulait que le tyran disparaisse. T'as le choix. Le pape, le roi d'Espagne, l'archiduc d'Autriche, les jésuites, les catholiques, et même la reine. Peut-être même que tout le peuple de France le souhaitait en voyant partout des signes prémonitoires de sa mort prochaine. Et d'Épernon? D'Épernon. Bon, allez, salut. Bon séjour à l'ombre. Mais où vas-tu? Reste! Dis-moi! Pour d'Épernon, dis-moi! Sinon, je vais devenir folle! C'est peut-être bien ce que souhaite celui qui m'envoie. Allez, reste dans ta cage et crève! C'était lui. C'était lui. Reviens! Dis-moi! Dis-moi! On veut tuer le roi de Jean-Benoît Patricot avec Juliette Croizat, Jacqueline Descommant, Thierry Barthes, le Chambellan, Daniel Caraz, Ravaillac, Laurence Roy, Marguerite de Valois, Pierre-Yves Desmonceau, le juge, Olivier Cruveillé, le duc d'Épernon, Pascal Bécard, le jésuite et Marc Léognan, l'homme à la cellule. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Éric Villenfin, stagiaire Sophie Pierre, assistant à la réalisation Félix Levaché, réalisation Michel Sidoroff. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion avec l'historien François Pernaud, mon invité, sur l'assassinat d'Henri IV. Vieille, signe qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Vincent Delerme, Je ne veux pas mourir ce soir, sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Julien Dumont. En François Pernaud, je viens donc de raconter l'histoire de Jacqueline Descommant, cette femme qui tenta en vain d'empêcher l'assassinat d'Henri IV. Cette histoire est vraiment terrible, d'abord parce que personne ne veut l'entendre, ensuite Henri IV n'échappe pas à la mort, et d'autre part, cette femme, donc qui ne manque pas de courage, est condamnée pour calomnie, elle va rester enfermée à vie dans un couvent, parce qu'elle a osé dire la vérité, enfin en tout cas sa vérité, et sans doute aussi parce qu'on ne veut pas qu'elle parle. Alors selon vous, François Pernaud, Jacqueline Descommant, est-ce qu'elle dit la vérité, et donc est-ce qu'elle est une victime de cette vérité ou est-ce qu'elle est une affabulatrice? Effectivement, c'est une grande question. Alors, première question, Jacqueline Descommant a-t-elle entendu, comme elle l'affirme 2 ans auparavant, sa maîtresse Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, et Épernon avoir une conversation dans une église où il était question de tuer le roi? Peut-être. Jacqueline d'Escommand a-t-elle accueilli Ravaillac à plusieurs reprises à Paris dans son domicile comme on lui avait demandé? Peut-être également. Et effectivement, la question qu'on se pose, c'est toujours l'éternelle question qu'on se pose quand on a ce genre de déclaration juste au moment d'un assassinat ou juste après un assassinat, c'est finalement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une affabulatrice? Est-ce qu'il y a une part de vérité, etc. Alors, les faits, effectivement, un certain nombre de faits sont troublants dans le cas de Jacqueline d'Escommand. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas aller plus loin que l'hypothèse. Et l'hypothèse, c'est, encore une fois, a-t-elle entendu effectivement sa maîtresse, la marquise de Verneuil et d'Épernon, parler d'un assassinat? Peut-être. A-t-elle reçu un requête chez elle? Oui, sans doute, peut-être aussi. Mais ça reste une hypothèse. Enfin, ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'elle a été enfermée à vie dans un couvent. Enfin, oui. C'est quand même terrible. Et ça, c'est le fait qui plaide peut-être effectivement pour croire, effectivement, pour donner de la consistance à sa thèse. Ouais. Parce que pourquoi aurait-elle été enfermée à vie dans ce couvent des filles repenties de la rue Saint-Denis si on avait pensé que ce n'était qu'une folle? De toute manière, au bout de 2 ans, plus personne n'en parlerait. Et effectivement, s'il y a bien quelqu'un, il y a au moins 2 personnes qui ont payé, si je puis dire, de leur vie directe l'assassinat d'Henri IV. C'est Jacqueline d'Escommand, parce qu'elle va mourir en prison. En tout cas, elle est emprisonnée et ensuite on perd littéralement sa trace, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'entend plus du tout parler d'elle. Et puis l'autre personne est évidemment Ravaillac, qui lui va subir le supplice atroce des régicides. Oui, c'est la peine. La plus terrible, et le supplice du régicide est vraiment ce qu'il y a de plus atroce, puisqu'il s'agit de l'écartèlement. Et ouais. L'écartèlement, on fait sortir, si je puis dire, le condamné du monde des chrétiens, puisque en l'écartelant, on le démembre, et donc on sépare ce que Dieu a créé. C'est la peine la plus maximale, si je puis dire. Oui, c'est ce qu'il y a de pire, de tuer le roi. On lui brûle la main aussi, main qui a tué. Le supplice de Ravaillac va durer assez longtemps et effectivement on a d'ailleurs bien réfléchi avant son supplice à ce qu'on allait lui faire subir, si je puis dire, et on va utiliser toute une gamme de tortures. On va lui brûler la main, on va lui tenailler les différentes parties du corps, on va lui verser de la poix et du plomb fondu, on va brûler sa main dans un feu de soufre. Bref, on va lui appliquer un certain nombre de tortures avant 27 mai 1610 en place de grève à Paris. Voilà, en place de grève à Paris. Devant une foule haineuse. Ah, c'est une foule hurlante. qui hurle vraiment sa haine pour Ravaillac. Cette foule qui, à un moment donné, après le supplice, une fois que Ravaillac a été effectivement démembré, va réussir à pousser, j'allais dire, les barrières de sécurité. Enfin, ça n'existe pas à l'époque, mais en tout cas, le cordon de troupes qui entoure l'échafaud et qui va se ruer sur les malheureux débris, si je puis dire, de Ravaillac, pour essayer d'en emporter avec eux. Oui, donc vous disiez que Ravaillac et Jacqueline d'Escommand sont les deux à avoir payé. On a un peu l'impression que ce sont les petits, les gens du peuple, qui payent. Mais est-ce que Ravaillac a agi seul ou a-t-il été le bras armé d'un complot politique le dépassant largement? Alors effectivement, c'est la question fondamentale. A-t-il agi seul ou y a-t-il eu complot? Alors au niveau du complot, d'abord les suspects ne manquent pas. Ça, on peut dire qu'il y a pléthore de personnes qui ont intérêt, en tout cas, à la mort d'Henri IV. Et dès l'assassinat du roi, toutes ces personnes ont été plus ou moins accusées, on en a entendu parler, etc. Alors évidemment, il y a Épernon. C'est le suspect numéro un et le rôle d'Épernon lors de l'assassinat lui-même du roi, puisqu'il est présent dans le carrosse du roi quand oui, le roi est assassiné. Épernon, effectivement, ça fait partie des premiers accusés. Mais on a accusé évidemment les ultra-catholiques, on a accusé les jésuites, on a accusé la reine aussi par jalousie, effectivement, vis-à-vis d'un mari plus que volage, parce que Henri IV, c'est quand même un roi, enfin, et qui a accumulé les maîtresses. C'est l'incarnation de la polygamie, oui. Ah oui, ça, c'est certain, et qui a un nombre d'enfants bâtards, en tout cas, et certains légitimés. qui n'est pas négligeable. Alors évidemment, avec Bernon, on a accusé Henriette d'entrague, la marquise de Verneuil, et on a entendu effectivement le récit de sa dame de compagnie, donc de Jacqueline d'Escaumont. On a accusé bien sûr le roi d'Espagne et l'Espagne dans son ensemble. On a accusé l'archiduc d'Autriche, qui est à ce moment-là le souverain, avec sa femme, le souverain en titre des Pays-Bas, tout simplement parce que l'archiduc avait accueilli l'épouse d'un prince du sang qui s'appelle Condé, grande famille importante, et qu'il avait accueilli cette épouse, Charles de Montmorency, pour la protéger des assauts du roi. Hallucinant, Et c'est le moment où la petite histoire rencontre la grande histoire. Mais il faut se méfier, hein, parce que souvent la petite histoire, faut pas la négliger, parce que là on a un épisode fameux et un épisode réel. Effectivement, Henri IV était tombé fou amoureux d'une jeunette de 15 ans, depuis l'année 1609, et il la poursuivait littéralement de ses assiduités. Et son mari, donc, l'a emmenée en Belgique, enfin, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique. Les Pays-Bas oui. espagnols, donc la Belgique actuelle. Et Henri IV s'apprête à partir à cheval la chercher. Pratiquement. C'est-à-dire que Henri IV, pour garder cette jeune Charlotte près de lui, l'a mariée effectivement à ce prince de Condé, en se disant que comme ça, il l'aurait près de lui à la cour. Mais Condé n'est pas du tout d'accord pour jouer le rôle du cocu, c'est le cas de dire. Et Condé va mettre de la distance entre sa femme et le roi, il va donc l'emmener à Bruxelles, et Henri IV en est malade. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'un personnage que je trouve très beau, très intéressant, c'est le magistrat, le président Harlay, un juge intègre qui écoute Jacqueline d'Escaumont et qui tente de résister aux pressions politiques. On est quand même au début du XVIIe siècle, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est un homme intègre. Effectivement, le président de Harlay qui va mener l'enquête. Alors bon, l'enquête est quand même relativement bâclée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le président de Harlay va avoir une attitude extrêmement juste. Il va effectivement vraiment chercher à comprendre qui a vraiment tué le roi. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que il y a un épisode qu'on connaît très mal, c'est le tout de suite après l'assassinat du roi, rue de la Ferronnerie, on voit arriver pratiquement dans les minutes qui suivent une bande d'hommes armés, à cheval et à pied, qui crient « tue, il faut qu'il meure ». Aurait donc eu une deuxième équipe prête à tuer Henri IV, et c'est Ravaillac qui aurait finalement les aurait doublés. Voilà, exactement. Et c'est la thèse que Harlay va sans doute suivre, et c'est une thèse qui est très tentante, et que personnellement j'aime beaucoup, enfin il ne s'agit pas d'aimer, mais en tout cas je trouve effectivement assez crédible cette thèse d'une deuxième équipe de tueurs. C'est-à-dire que, effectivement, Ravaillac a peut-être finalement agi seul, mais en doublant, finalement, une autre équipe de tueurs qui était prévue, et Harlay va chercher pendant longtemps à comprendre le rôle de cette deuxième équipe de tueurs. Merci beaucoup François Pernaud. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire compliquée, je vous suggère de lire le livre de François Pernaud, Qui a vraiment tué Henri IV, publié en 2010 chez Larousse et qui a reçu à l'époque le prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, programme une des plus célèbres énigmes de l'histoire maritime, le mystère de la Marie Céleste. En 1872, un navire à voile, la Marie Céleste, est découvert errant sans équipage au large des Açores. 10 ans plus tard, la découverte d'un message dans une bouteille à la mer va relancer l'enquête sur le vaisseau fantôme et faire palpiter le cœur d'un jeune employé d'assurance maritime à Londres. Le mystère de la Marie Céleste, c'est dimanche prochain donc. Mais dans quelques minutes, ne manquez pas État d'esprit, l'émission de Noël Bréham. Très bonne soirée à tous.